بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Par le ciel et ses constellations. واليوم الموعود. Par le jour promis. وشاهد ومشهود. Par le témoin et son témoignage. قتل أصحاب الأخدود. Mort aux gens de la tranchée très longue, à l'Ourtoud. Au bord d'un feu rugissant. Les mécréants étaient assis. Et regardaient en témoin ce qu'ils faisaient subir aux croyants. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Ils ne leur en voulaient que parce qu'ils croyaient en Allah, le Tout-Puissant, le digne de toute louange. الذي له ملك السماوات والأرض. والله على كل شيء شهيد. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, Allah, qui de toutes choses est le témoin. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Ceux qui ont infligé les pires épreuves aux croyants et aux croyantes, puis qui ne s'en sont pas repentis, auront le supplice de la géhenne et le supplice du brasier infernal. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. Ceux qui ont cru et ont accompli les bonnes œuvres auront des jardins sous lesquels coulent les rivières. Tel est le succès suprême. إن بطش ربك لشديد. Les représailles de ton Seigneur seront très dures. إنه هو يبدئ ويعيد. C'est lui qui initie la création puis la recommence. وهو الغفور الودود. C'est lui l'absoluteur, plein de dilection. ذو العرش المجيد. Le détenteur du trône, le glorieux. فعال لما يريد. Qui fait toujours ce qu'il veut. هل أتاك حديث الجنود. T'est-il parvenu le récit des armées. فرعون وثمود. Celle de Pharaon et des Thamoud. Mais pourtant, ceux qui ont mécru crient toujours au mensonge. Allah, derrière eux, les cerne de partout. بل هو قرآن مجيد. C'est en vérité un Coran glorieux. في لوح محفوظ. Écrit sur une table soigneusement conservée.